venez, venez les gars, venez, venez nous voir. On est dimanche, qu'est-ce que t'en penses si on allait voir la mer? Il est fou ce type-là, la mer. Bien, je sais pas, au cinéma, le dimanche, on ne sait pas quoi faire. Qui se déshabille, ça s'achète pas pour trois billes. Ouais, tu dis ça chaque fois. Regarde-moi, et puis regarde-toi. Sans argent, on a l'air de quoi? Venez, venez les gars, venez, venez les gars, venez, venez nous voir. Si on allait voir les filles. Venez, venez les gars, venez, venez les gars. Venez, venez les gars, venez, venez les gars, venez, venez nous voir. Venez, venez les gars, venez, venez les gars, venez, venez nous voir. Elles vont rire, elles vont nous dire, il faut casser vos tirelires. T'as pas une cigarette là? J'ai 22 francs, toi 44 francs. C'est trop cher l'amour à 20 ans. Venez, venez les gars, venez, venez les gars, venez, venez nous voir. Si on allait voir les filles. Venez, venez les gars. T'es fatigant toi, venez, venez, je sais pas si t'es au courant. Venez, venez nous voir. Si on allait voir les filles. Oh, tu peux pas me lâcher 5 minutes. Voir les filles. Bon, mais fous-moi la paix, je te dis. Venez, venez nous voir. Venez, venez les gars. Venez, venez les gars. Venez, venez nous voir. Et si on allait voir les filles.